pas fait dur à Montréal. Hey, êtes-vous dégoûté de ce qui s'est passé à Londres? Ah, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est une attaque terroriste, mais pas une attaque terroriste comme on voit habituellement, c'est-à-dire ceinture de bombe d'un centre d'achat ou voiture ou avion qui s'écrase. C'est carrément une attaque à la machette à plein milieu de la rue. Là. C'était moi, ça me fait peur. Moi, dire de quoi, Dominique, tu sais que j'écris beaucoup souvent contre ces gens-là. Et sais-tu quoi, je commence à avoir la chienne. L'autre jour, j'ai fait appeler un taxi. Il y a un gars, c'est de la paranoïa de ma part, là. Mais le gars, le chauffeur de taxi arrive, puis il y avait vraiment un look cheveux courts, arabe, avec une grosse barbe, là. Un look un peu là, qu'on pourrait dire là, islamiste, mais peut-être pas. Mais là, il regardait mon adresse. Puis là, j'ai vu dans ses yeux qu'il me regardait, il me reconnut. Il regardait mon adresse. Là, je me suis dit, il va peut-être en avoir un, on sait jamais, là, un fou qui va décider, lui-là, qu'il est tanné de ce que j'écris et tout ça. C'est ça du terrorisme, c'est ça, c'est faire peur, c'est dire, tu vas y passer deux fois avant d'écrire sur nous autres, parce que tu vas avoir peur pour ta famille, tu vas avoir peur pour ta femme. Et là, c'est rendu qu'il coupe la tête des gens dans la rue à Londres. À un moment donné, il y a quelques années, c'était à Amsterdam, en plein après-midi, une ville tranquille, les gens font du vélo, une ville de tolérance, et là, il y a un gars, un cinéaste qui avait fait un film contre l'islamisme, il s'est fait poignarder dans le cœur, paf, par un fou. Là, on parle plus de réseau. Là. Il s'agit qu'il y a un malade qui lui décide, là, Dieu veut que je fasse ça, je vais me sacrifier pour la cause, Allah Akbar, puis d'un titre.